soit que mes soffles. L'Ario. Et un joint je frôle, j'attends qu'il touche, me lave avant que je l'ouvre. J'écourte mes rêves, encore un jour rouge, me lève avant le jour. Retour, je me lave. Tout ce qui fait qu'ici un temps de genoune, tous les mêmes. Seul Dieu est maître, on est tous élèves, on s'ajoute sur des réseaux et puis on se calcule plus, tout ça à genoux. Je comprends pas tes raisons, tant de la chose. Écoute les mecs dans ma tête, non je n'ai pas qu'une plume. T'as chaud, à peine tu montes, tous attendent ta chute. C'est ça le jeu, personne veut faire la pute, faut que vous le sachiez. Donc pour du cash, ça fout la poudre dans des sachets. Ils se mettent tous intenses et bien, même certains s'achètent. Peut-être tout le monde te trompe en cachette, toi mais ça t'en sais rien. Je me prends la tête dans le pieu, ça cogite. Je mate les yeux, j'ai les cernes de l'alcoolique et puis les yeux de la colline. J'envoie tes sales aux chiffres, il faut être riche sans que le bateau flanche. Ils font croire qu'ils parlent aux gens alors qu'ils parlent aux chiffres. Réflexion matinale, dans le vaginal, des pâtés de la cheese. Vu que ça glisse plus que dans le patinage marginal. On est censé l'être, dans le game j'ai plus rentré. Mais à part manier les lettres, qu'est-ce qu'on fait de plus en vrai? J'ai du mal à croire que tout ça nous mènera quelque part. On a beaucoup péché, c'est pas en faire un son qui nous rachètera. Déphasé, mes gars m'évade par ces phrases. Dépassé, on sait que le passé va pas s'effacer. Donc on se concentre sur l'instant T. Toujours moyen qu'on se plante, vu qu'on tente l'intenté. On rêve de s'implanter, pour les cousses leur faire un dernier honneur. On court derrière le bonheur, alors que c'est simple en vrai. Il suffit de se poser, s'asseoir, apprécier la vue. Mais on ne peut pas s'arrêter, on veut toujours voir après s'il y a plus. Quand t'as rien, c'est chaud de te contenter de ce que t'as. Moi je suis content tant que je peux compter sur des gens qui peuvent compter sur moi. On a des manies, cagasse les flics. 5h46, grave ce titre. Pendant que le tagasse est frite, c'est mon essence et le méduse. Je continuerai tant que vous me donnez. Je n'aimerais pas la reconnaissance qui m'aide. Je vais pas arracher des cusses. Bien souvent la main ils te tentent pas. Le time chart chez les meufs, je me prends et je gagne du temps. Et quand elles comprendront, elles reviendront d'elles-mêmes. Je connais leurs failles et leurs batailles. Je sais qu'elles seraient capables de me dire qu'elles m'aiment. C'est ça, je ne parle qu'au ciment et mes potos. A chaque fois que tu parleras de sentiments, je dirais que c'est trop tôt. Je connais trop bien leur vice, l'arrière-goût, tu perds le sourire. On se met nous-mêmes des barrières, on a trop peur de souffrir. Je demande au cœur de s'ouvrir, rien qu'une fois pour essayer. Quand on se croit, ces regards froids, alors qu'en vrai on pourrait s'aimer, c'est ce qui fait les grands. En somme, je m'ouvre et t'as l'air sceptre. C'est qu'une réflexion fantôme. Je bouge avant que le jour ne l'intercepte.